fin de l'émission Black Metal et il est 19h. À 19h, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à 19h, déjà, la première chose qu'on peut vous dire, c'est que ça fait maintenant 10h tout pile qu'on est en direct depuis ce matin. À savoir que ça va durer encore pas mal de temps, puisque ça va durer jusqu'à 9h demain matin. Alors, on va faire un petit rappel de ce qui se passe là après pour la suite. Hein. D'abord, on va voir la Legal Team qui va commencer une fois qu'ils auront daigné se présenter au micro, puisque visiblement pour le moment ils sont tranquillement à l'extérieur en train de fumer. Donc, ça n'est pas grave. Je comble en attendant, puis je vais lancer un début de musique. Peu importe. Une fois que la Legal Team aura terminé sa petite discussion, on aura un blind test à 20h. Alors n'hésitez pas à venir. Vous pouvez essayer de participer de l'autre côté de votre écran. Ensuite, à 21h, une petite session d'hypnose. Quelqu'un qui va nous présenter ce que c'est que l'hypnose. L'hypnose de rue, l'hypnose... De spectacle. Exactement. Et de venez, spectacle. Si vous voulez être les cobayes, on attend que ça. Hein. Venez tester l'hypnose. Exactement. Par la suite, un petit concert, un concert acoustique de SAD, Seasonal Affective Disorder. Deux petits gars qui sont très gentils, très mignons et surtout très beaux. Et c'est particulièrement pour ça qu'on les fait venir à la radio. Ensuite, on aura à 23h une surprise, qui est également une surprise pour nous, hein, on doit vous l'avouer. Et de minuit à 4h, groupe fantôme qui va occuper les lieux et l'antenne. Et puis enfin, on aura de 4h à 5h la rediffusion de l'émission, de la discussion sur tout, à moins qu'on ait des gens encore réveillés et qui tiendront l'antenne à ce moment-là. Et enfin, on reprend à 6h avec une revue de presse, à 7h avec le concert petit-déj qui aura lieu à la Congélation des Fourneaux et qui sera rediffusé en direct, avec quelqu'un, je crois, qui s'appelle Thomas Carton. Et enfin, à 8h, la conclusion de cette belle aventure. En attendant, je mets une petite musique le temps que l'équipe se mette en place. Justice Stress. We'll be right back. Et on est de retour en direct sur la web radio Crochet avec la Legal Team. Ouh là là. Vous allez bien, la Legal Team ? À fond ! Ouais, on va bien, je crois qu'on va avoir du travail en ce moment en plus. Il y a du boulot. Alors, il y a une petite succession de choses à discuter, à présenter. La première chose, ce serait, dites-nous, qu'est-ce que c'est la Legal Team ? Ouais, alors, qu'est-ce que c'est ? La Legal Team, c'est un collectif de défense juridique qui s'est constitué sous sa forme actuelle en 2016. Pourquoi un collectif de défense juridique, me direz-vous ? Pourquoi un collectif de défense juridique ? Eh bien, la réponse, la voilà. La réponse est claire. Nette. Et précise. Non, mais vous le savez, vous le connaissez, puisque vous nous écoutez depuis ce matin. On est régulièrement dans la rue quand il y a des manifs, quand il y a des mouvements, quand il y a des choses un peu inhabituelles. Qui, aujourd'hui dans place. La rue, demain on continue, comme dit le slogan. Et qui va dans la rue ? Va parfois en garde à vue. Exactement, le bon vieux dicton. Subit ou est confronté toujours très régulièrement aux flics, à la répression policière. Garde à vue, intimidation en tout genre. Renseignements aussi. Oui. Et face à ça, puisqu'on descend dans la rue tous ensemble, on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée d'assumer tous ensemble les conséquences de ce que pouvait amener le fait de se bouger. Et donc voilà, quand on est confronté à la police et juste derrière à la justice, on s'est dit qu'on allait un peu s'organiser pour réfléchir aux meilleures stratégies, connaître au mieux ses droits et essayer de s'en sortir au mieux à chaque fois. En fait, c'est une façon d'être cohérent avec ce qu'on essaye de faire dans nos actions politiques. C'est-à-dire que si tu fais une action une fois, que tu te fais arrêter par la police, qu'après, soit tu es dans la merde parce que tu as un sursis ou parce que tu as eu super peur et que ça te paralyse, en fait, la lutte, elle s'arrête. Mais si t'as pas peur parce que t'es bien conseillé, t'es bien entouré, t'as des possibilités d'aide pour payer ton amende, t'as un avocat qui tue ou qui t'empête ou qui ou qui pilonne, tu gagnes ton procès ou tu t'en sors un peu mieux et tu peux continuer la lutte. En tout cas, tu le vis mieux, c'est sûr, parce que t'es pas tout seul. Et donc concrètement, comment ça marche ? En fait, c'est très simple, vous allez comprendre très vite. Ça marche grâce à un téléphone portable avec un numéro que je vais vous donner et que je vais répéter plusieurs fois pendant cette présentation. C'est le 07 68 84 84 92. Il suffit d'appeler ce numéro de téléphone si jamais en manifestation, par exemple, vous êtes témoin d'une arrestation ou que vous avez été arrêté et que vous sortez de garde à vue ou que vous connaissez un pote qui a été arrêté et que vous voulez des conseils ou un moyen de l'aider. Vous nous contactez, on se rencontre et puis suivant ce qu'il y a à faire, on bosse ensemble sur les dossiers, on réfléchit aux stratégies qui peuvent être mises en place pour défendre au mieux la personne. Et puisque la justice, en fait, ça a un coût, il faut payer des avocats, parfois il faut payer des amendes, parfois il faut payer des grosses amendes. Le moyen aussi de ne pas être seul face à ça, ça va être... nous, on a des contacts, on a des lieux, on peut organiser facilement des soirées qui ramèneront des thunes. Et donc la personne qui est la cible, quoi, qui a les emmerdes, elle file un petit coup de main dans ces soirées-là pour ramener de l'argent. Et après, ça paie ses dettes. Et il existe des Legal Teams dans plusieurs villes en France. Là, on parle bien de la Legal Team Rouen. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a peut-être eu des arrestations ce week-end, notamment au rond-point des Vaches. N'hésitez pas à nous appeler. Et si on ne décroche pas tout de suite, laissez un message. On va vous rappeler, c'est sûr, on va vous aider. Il y a précisément une personne qui s'est fait arrêter à Petit-Quevilly hier. Il y a des camarades qui étaient témoins de l'arrestation et qui voudraient bien retrouver cette personne pour avoir des informations et lui proposer de l'aide. Et donc si quelqu'un a une information sur ce jeune homme qui s'est fait arrêter, qui contacte la Legal Team ou lui-même s'il nous entend, qu'il nous appelle. Voilà, on le cherche. Du coup, ça s'adresse à qui, la Legal Team ? Est-ce que c'est que pour les manifestations ? Non. Alors non, c'est pas que pour les manifestations. En fait, nous-mêmes, de notre expérience en tant que collectif, on s'est rendu compte que... Alors évidemment, la première forme, oui, de répression à laquelle on pense, c'est celle des manifestations, celle des mouvements sociaux, voilà, les arrestations en manif, dans des occupations, ou les convocations après coup. Ça, il y a eu beaucoup ça après le mouvement contre la loi travail en 2016. Mais on fait l'expérience là depuis quelques mois d'une forme, pardon... un peu nouvelle de répression, mais qui a l'air d'être assez généralisée en France. Ça va être une répression qui vise les lieux collectifs qui s'organisent, donc un peu comme nous, on peut avoir ici au Diablo Corps ou avec la Conjuration des Fourneaux, des gens qui sont convoqués pour répondre de problèmes administratifs, problèmes financiers, trucs de déclaration, d'impôts, de machin... de la paperasse très chiante, mais et qui peut parfois être un peu mal gérée quand c'est des structures associatives. Ils n'hésitent pas à venir mettre le nez là-dedans, enquêter, essayer de confondre les gens et les structures. Et ça peut être vraiment très très chiant. Enfin, nous, on se rend bien compte que si on perdait un de nos lieux, ou si on devait le fermer, ou s'il ne pouvait plus bien fonctionner, on chialerait bien, on me fait le geste chialage sur le plateau, on serait en PLS, comme disent les jeunes. Qui sont arrêtés, souvent. Donc on voit, on vous le redit, du coup, par exemple, si vous avez un gros PV parce que vous allez rouler trop vite, on ne va pas forcément vous aider. On est solidaires, il y a des gens en ce moment d'ailleurs qui font en sorte que ça n'arrive pas en dégradant certains types de matériel. Mais appelez-nous quand c'est plutôt le genre de problème qu'on a évoqué là. Je veux bien que tu redises le numéro encore une fois. Parce que... Ah, attends, je crois que j'ai appris par cœur. 07 68 84 84 92. Et je tiens à nous dire... que si on avait un peu de moyens, on pourrait avoir acheté le numéro qui finit par 3 fois 84. En tous les cas, il est déjà très simple à retenir. Alors retenez-le, ce sera encore plus simple si vous avez des ennuis. Et si vous avez envie de nous faire un don pour qu'on puisse acheter le numéro de téléphone, vous pouvez aussi. Ah oui, vous pouvez nous faire des dons. Vous pouvez nous contacter aussi par Facebook, on a un Facebook. Et on a une adresse mail. Legal Team Rouen, tout attaché, légal comme quelque chose de légal. Team, comme une équipe, T-E-A-M pour ceux qui ne parlent pas anglais. Rouen, voilà, débrouillez-vous, @riseup.net. Et je regarde la boîte mail tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Félicitations. Une petite musique ? Bien sûr, on va parler de police. Call it cowardice, but I'm not prepared to go on like this. I Nous sommes de retour sur la web radio Crochet avec la Legal Team. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on a une invitée avec nous. On l'a invitée spécialement hein, en tant que Legal Team. Elle s'appelle Maître Chalot. Elle pilonne la défense et on peut l'applaudir. Bravo, Maître. Maître Chalot. Elle pilonne pas la défense. Elle pilonne, elle pilonne qui? L'attaque. Elle pilonne l'attaque, oui, c'est vrai. Elle pilonne la défense de l'attaque. Et donc, elle sera à même de répondre à certaines de nos questions sur des sujets juridiques dont on ne maîtrise pas les arcanes. Pas mal, non, ce que je viens de lâcher, là. Pas mal, oui. Si tu veux qu'on t'applaudisse, on t'applaudit. Merci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va vous donner des conseils concrets avec l'aide de Maître Chalot. La Legal Team, nous aussi, on va intervenir. Parce que la répression, elle commence au renseignement, elle se termine au tribunal ou parfois en prison quand on n'a pas de chance. Et donc, il y a toute une palette de choses à savoir. Et donc, on s'est dit que pour vous donner des conseils, on allait faire appel à des spécialistes. On va avoir des petits conseils juridiques de rappeurs. On va vous passer des punchlines et en fonction du thème, on va ensuite vous donner nos conseils à nous. Stylé. Eh ben, c'est parti. Donc la première thématique, du coup, c'est la thématique des écoutes téléphoniques et des renseignements généraux. C'est parti. La plus grosse balance avant toi, c'est ton cellulaire. Parle-moi face à face, ne parle pas au téléphone, sinon je te parlerai. T'es RG qui nous espionne. Sommaine mon art, je suis perché. J'ai rien au fond, je veux pas effrayer les RG. J'viens en pas. Appel téléphonique sur écoute, je veux pas prendre ton tel bella, m'en veux pas. J'suis sorti du. Alors, les renseignements généraux. Il y a une série de questions, je pense, qu'on peut poser. Et la première, c'est les moyens d'enquête qui sont réellement mis en place. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est un fantasme? Voilà. Suspense. Oui, ça existe. Ça existe. On peut voir ce que vous faites sur votre téléphone. On peut voir beaucoup de choses sur un téléphone. On peut voir les messages que vous envoyez. On peut voir qui vous appelez. Dans le cas d'une enquête, évidemment, quand vous êtes sur écoute. On peut voir donc qui vous appelez, mais ce que vous dites aux personnes. Tout est retranscrit par des personnes qui sont dans leur bureau avec un petit casque et qui écoutent et qui notent tout à la main. On peut aussi voir, pour ceux qui ont des téléphones modernes, quand vous allez sur Internet et les pages que vous consultez sur Internet. On peut voir à quelle heure vous avez allumé votre téléphone et à quel endroit vous étiez quand vous avez allumé votre téléphone et les bornes que vous avez déclenchées au fur et à mesure. C'est tout ce qu'on peut savoir par les écoutes téléphoniques et par les... C'est-à-dire tout. C'est-à-dire à peu près toute les, votre les vie. Les groupes Facebook sont aussi très très surveillés, notamment en ce moment. Donc faites attention à ce que vous dites sur vos groupes Facebook de discussion. Donc on peut dire que, effectivement, les rappeurs ont raison. Ne dites rien à votre cellulaire, sinon tout le monde le saura. Sauf que il y a quand même des moyens de communiquer avec son téléphone de manière complètement sûre. Et je pense qu'on peut révéler le petit secret. Il y a un moyen. Il y a un moyen, un seul et unique moyen. Une application qui s'appelle Signal, que vous pouvez télécharger sur vos téléphones hyper facilement. Vous trouverez des explications sur leur site signal.org. C'est une application qui envoie des messages chiffrés d'un téléphone à un autre. Ça marche comme une application de messages classiques, WhatsApp ou autre. Et c'est fait par des gens qui n'ont aucun intérêt commercial, des gens qui viennent des États-Unis, qui participent à des mouvements sociaux depuis des années. Aux États-Unis, la répression est encore plus dure, je pense, pour les militants politiques. Donc, ils avaient vraiment besoin de moyens hyper sécurisés pour pouvoir communiquer et s'organiser. Et donc, maintenant, voilà, peut-être 4 ans, des gens ont développé cette application. Vous pouvez télécharger et vous pouvez envoyer des messages à vos amis ou sur des groupes de manière totalement chiffrée. Et on ne peut que vous recommander d'utiliser cette application pour toute votre vie. Parce que c'est assez difficile, dès que vous commencez à vous organiser politiquement, de distinguer qu'est-ce qui est de la pure organisation politique du quotidien. Parce que le travail des renseignements, c'est de comprendre dans quel environnement vous évoluez, qui sont vos amis, ce que vous faites, ce qui vous tient. Donc vraiment, utilisez au maximum l'application Signal pour vous envoyer des messages. Vous pouvez aussi vous faire des appels chiffrés par Signal. Vous pouvez faire des chats, des vidéos chats par Signal. Envoyer des médias. Envoyer des médias. Si j'étais vous, je supprimerais l'application Message ou la garderais juste pour votre papa et votre petit frère. Et tout le reste doit passer par Signal. La meilleure façon de s'organiser, c'est encore de se voir en vrai. Mais pour tout ce qui ne peut pas se passer comme ça, installez Signal. Au moment des... J'ajoute un petit détail, mais au moment... dans toute la période post-attentat en France, il y avait beaucoup d'informations sur, soi-disant, des terroristes ou des réseaux qui avaient été démantelés. À ce moment-là, l'application qui était beaucoup citée dans les médias, parce qu'elle était utilisée aussi un peu comme signal, comme une application confidentielle, voilà, c'était Telegram. C'est assez important aujourd'hui de ne pas confondre Telegram et Signal, parce qu'en fait, Telegram, il se trouve que eux, les gens qui développent cette application-là, ça, c'est arrivé qu'ils donnent à la police des informations qu'ils détenaient, contrairement à ce que fait Signal et ce que continuera à faire Signal. Donc, ne confondez pas, c'est pas parce que... Enfin voilà, justement, si on en a entendu parler après les... La période des attentats, quand il y avait plein de gens qui se faisaient arrêter, c'est bien parce que les informations fuitaient de Telegram. Si ça avait été étanche. Ils ont vendu toutes leurs informations à des gouvernements. Alors on a une précision d'une auditrice qui nous dit qu'il faut absolument effacer ces messages quand on les reçoit ou quand on les envoie par signal. Parce qu'effectivement, les services de renseignement ne peuvent pas intercepter au milieu d'une communication nos messages, mais ça n'empêche pas que si vous êtes interpellé ou votre téléphone est saisi ou peu importe par les forces de l'ordre, s'ils accèdent à votre téléphone, ils pourront lire les messages. Signal prévoit une option qui s'appelle message éphémère. Vous définissez dans une discussion à deux ou à plusieurs au bout de combien de temps le message disparaît. Il faut absolument mettre cette option. Vous avez le choix entre, je crois, une semaine, ça va jusqu'à un jour ou quelques minutes. Vous l'enclenchez. Et de manière sécurisée, vos messages sont effacés. Et si, pour X raison, vous ne souhaitez pas faire ça, pensez à manuellement effacer vos messages ou alors à mettre une phrase de passe. Et à mettre une phrase de passe à vos téléphones. Ça peut paraître hyper précis ce qu'on raconte, mais on aurait besoin de plus d'une émission pour vous raconter toutes les anecdotes de gens qui ont eu des problèmes suite à leur communication. De messages. Voilà. Et puisque votre téléphone est une balance, si vous pouviez, quand vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose d'illégal ou même tout simplement que vous êtes dans un rassemblement et que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, ne pas avoir votre téléphone sur vous, c'est hyper important. N'emmenez pas votre téléphone en manifestation, essayez de ne pas le prendre. Il y a d'autres moyens pour communiquer dans ces moments-là. Parce que si on arrive à craquer votre code ou quoi que ce soit et qu'on a des informations sur vous, après vous êtes beaucoup plus dans la merde pour vous défendre. Sachant qu'en plus, si vous filmez par exemple en manif ou si vous prenez des photos, c'est possible, même si ça ne vous concerne pas vous, que, imaginons, vous n'avez rien à vous reprocher ou qu'on ne vous reproche rien parce que, par chance, en fait, sur les images que contient votre téléphone, il y a peut-être des gens qui sont en train de faire des choses ou qui ne sont pas exactement en train de faire des choses, mais on va pouvoir interpréter les photos. Donc en fait, c'est même pas une question de sa propre sécurité, c'est une question de ne pas involontairement se transformer en balance, quoi. Un petit point juridique. Une auditrice nous fait passer un message selon lequel il serait maintenant illégal de ne pas donner son code en garde à vue. On va parler de la garde à vue, j'imagine, après. Oui, tout à fait. Mais je fais quand même une petite parenthèse, vu qu'on est dans la technologie. Il y a effectivement une nouvelle infraction qui a été créée où vous pouvez être condamné pour ne pas avoir donné votre code en garde à vue, mais qui répond à des cas vraiment spécifiques. Il faut par exemple que le téléphone, ou en tout cas le moyen de communication, ait été utilisé pour le mode de commission d'infraction. Donc c'est pas une infraction générale qui s'applique à toutes les personnes. Si vous êtes en garde à vue pour avoir volé dans un magasin, les policiers n'ont aucune raison de vous demander votre code de téléphone, par exemple. Donc ne surtout pas retenir qu'il faut absolument donner son code. Je ne vais pas embêter tout le monde à rentrer dans le régime juridique très précis, mais par défaut, ne pas croire les policiers quand ils vous disent que tout le monde doit donner son code, c'est obligatoire, c'est pas vrai. En référer à son avocat, puisqu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais surtout prendre un avocat en garde à vue. Est-ce que tu as une petite phrase, je l'annonce maintenant, à dire si on nous demande son téléphone, son code de téléphone, une phrase classique qu'on peut sortir, si on veut se sentir à l'aise devant les flics. J'ai déjà la phrase en tête, mais je vais te la faire dire. C'était, on va revenir dessus, mais ça peut être difficile, et on le sait, de tenir tête ou de rester silencieux face à la police. Mais c'est beaucoup plus facile si on s'appuie sur les conseils de son avocat. Et je pense que maintenant que tu as prodigué ce conseil, on peut facilement dire sur les conseils de mon avocat, je refuse de vous donner le code de mon téléphone. Parfaitement. On enchaîne avec la garde à vue. On enchaîne avec le prochain extrait. C'est parti. Toujours en live, tu veux sauver. suis Alzheimer quand il me questionnait. Tu sais, je vois le désastre. Le genre d'histoire qui est en désaxe. C'est secret, c'est le mot exact. Ma femme, c'est comme l'OPJ, rien à déclarer. Quand il m'interroge, le hack qui part à trois singes. Je te tire une balle grosse comme un gnocchi dans le larynx. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces petits conseils? Rebondissons sur les trois singes de Booba. Vous avez été arrêté. Cette fois-ci, ça y est, vous êtes en garde à vue. Alors, que faire? Que faire en garde à vue? En garde à vue, vous avez des droits. Normalement, on vous les notifie quand vous arrivez. Il est possible qu'on vous les notifie de façon extrêmement rapide et que sous la pression, vous puissiez entendre, mais ne pas vraiment écouter ce qu'on vous dit. Donc, ça ne fait pas de mal de les rappeler. Le droit principal que vous avez en garde à vue, au-delà du fait de voir un avocat et de voir un médecin, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est assez primordial, vous avez le droit de ne pas parler en garde à vue. Le policier va vous dire que vous avez trois possibilités. Vous avez le droit de répondre à leurs questions, vous avez le droit de faire une déclaration, ou vous avez le droit de vous taire. Et ça, c'est un droit absolu que tout le monde a dans toutes les procédures. C'est le fait que chaque personne a le droit de ne pas s'auto-incriminer et ne pas participer à sa propre accusation. Il faut savoir que quand vous êtes en garde à vue, ça va être compliqué parce que vous allez avoir envie de séduire les policiers, de leur faire croire, enfin de leur témoigner toute votre bonne foi. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, vous êtes un suspect et que le but principal de la garde à vue, c'est de constituer un dossier contre vous. Ce n'est pas une mesure de méfiance, ce n'est pas de la paranoïa de notre part, c'est la procédure française, enfin, c'est la procédure en elle-même. Vous êtes suspect, à la fin de la garde à vue, on va évaluer les charges qu'il y a contre vous. Cette garde à vue, elle peut servir qu'à vous incriminer en plus. Donc vous taire, c'est vous protéger finalement. C'est ne pas contribuer à votre propre dossier, ne pas contribuer à l'accusation à votre encontre. Et c'est la meilleure protection que vous pouvez faire à ce moment-là. Et quelle est la phrase à dire quand on souhaite ne pas parler pour le... Eh bien, vous pouvez simplement dire que vous exercez le droit de vous taire, puisqu'on vous a notifié ce droit. Donc, j'exerce le droit de me taire, ou je n'ai rien à déclarer. Et comme cela vous a été indiqué tout à l'heure, vous pouvez dire si c'est plus facile... parce qu'on sait que ce n'est pas une position toujours évidente à tenir, que c'est sur les conseils de votre avocat que vous préférez vous taire. Sachant qu'en garde à vue, les avocats, donc les avocats peuvent être à vos côtés, venir vous voir en cellule pendant 30 minutes et être là pendant les auditions, mais les avocats n'ont pas accès au dossier. Donc ils ne savent pas les preuves qu'il y a contre vous à ce moment-là. Donc c'est difficile de vous donner un vrai conseil à ce moment-là sur l'opportunité ou pas. C'est toujours la meilleure protection possible que de ne pas parler. On peut faire des erreurs en parlant, on ne peut pas faire des erreurs en se taisant. C'est un peu comme être un préservatif. Ok. Une comparaison audacieuse. Alors, du coup, vu qu'on parle des conseils des avocats, votre avocat peut-être va vous dire de parler. Mais peut-être que ce ne sera pas un bon avocat. On ne sait pas. Peut-être que vous allez voir un avocat que vous n'avez pas choisi ou qui n'est pas forcément conseillé par la Legal Team. On n'a pas toujours le choix. En tout cas, nous, la Legal Team de Rouen, on vous conseille, quoi qu'il arrive, d'exercer votre droit au silence. C'est très, très important, puisque votre défense, elle va se passer au tribunal pendant votre procès. Elle ne se passe pas du tout pendant la garde à vue. La garde à vue, c'est pour trouver des choses qui sont retenues contre vous. Quelques précisions pour vous convaincre encore plus, si vous ne l'êtes pas déjà. Les personnes ont souvent tendance à penser que quand elles sont innocentes ou quand elles n'ont rien à se reprocher, il faut qu'elles parlent pour pouvoir se défendre. Là, encore une fois... Vraiment, on vous conseille d'exercer votre droit au silence. Vous pouvez être en garde à vue pour une infraction pour laquelle vous êtes innocent et vous avez envie de vous débattre dans tous les sens et de prouver à la police que vous êtes innocent. Mais par les déclarations que vous allez faire, vous allez finalement apporter vous-même la preuve de la culpabilité d'une autre infraction. On a eu l'exemple sur un dossier que j'ai pu traiter avec la Legal Team de Rouen où des personnes étaient en garde à vue pour des violences sur des policiers à la suite d'une manifestation. Elles se sont débattues tout le long de leur garde à vue pour prouver qu'elles n'avaient pas commis ces violences. Et finalement, en admettant leur participation à la manifestation qui avait duré un peu plus tard dans le temps après les sommations, elles avaient elles-mêmes admis qu'elles étaient coupables de participation à une manifestation après sommation, de se disperser. Et c'est finalement elles qui ont livré sur un plateau leur culpabilité aux policiers, ce qui, après, ouvrait la voie à des poursuites pénales à leur encontre. Donc, quand vous êtes en garde à vue pour une infraction et que vous pensez que le meilleur moyen, c'est de vous débattre et de vous défendre sur cette infraction-là, je sais que c'est dur, je sais que c'est pénible, que ça dure au moins 24 heures, 48 heures, que c'est des conditions... Il faut le savoir à l'avance que ça va être très dur et que vous allez avoir envie de parler pour vous débattre. Mais il faut avoir en tête que c'est jamais, en tout cas, sauf nuance, la bonne solution et que c'est un conseil juridique qui se fondent pas sur rien. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez qui aide pas mal, c'est d'avoir un peu en tête les ficelles des films de flics, quoi. Good cop, bad cop, tous ces trucs-là que la police met en place pour dans les films. En fait, c'est pas les films qui ont inventé ça, quoi. Je pense c'est la police qui l'avait inventé avant les films. Et quand vous êtes en garde à vue et que vous vous faites mortellement chier dans votre cellule horrible, dégueulasse, et que vous avez envie de sortir le plus vite possible, il faut essayer coûte que coûte d'avoir ce petit recul quand même sur ce qu'on vient vous dire. Et qu'est-ce qu'on essaye de vous faire croire, parce qu'en fait c'est ça aussi le travail du flic, c'est pas juste taper votre déposition avec deux doigts là, ça aussi c'est dans les films, mais c'est essayer de vous faire parler pour avoir des trucs à se mettre sous la dent. Et donc il va utiliser absolument toutes les armes qu'il a à sa portée. Et si vous avez conscience de ça pendant que vous êtes en interrogatoire et que vous vous dites, ah lui il fait le good cop, ah bah donc j'imagine que son collègue, ah bah oui c'est ça, il fait le bad cop. Voilà, vous vérifiez cette théorie là cinématographique, et franchement c'est beaucoup plus facile. En fait on voit que c'est un jeu, et bien sûr que les flics sont des bâtards, mais faut voir qu'à ce moment là ils sont en train de faire un jeu, enfin c'est un rôle, quoi. Théâtre, en fait. Le coup d'après, si vous avez pas de bol, vous allez peut-être retomber sur les mêmes, et là ce sera inversé, quoi. Ce sera l'autre qui fera le bad cop. Voilà, en semaine B, c'est l'autre qui fait le good cop. Bon. Et du coup, là, vous allez capter que non, la première fois, il n'était pas gentil, juste il vous a manipulé. Et les flics aussi vont essayer de vous dire, là, tu me mets vraiment en colère à pas parler, j'appelle le procureur, tu vas voir, tu vas rester encore plus longtemps. En fait, ça va pas marcher vraiment comme ça. Il va pas avoir cette possibilité de vous garder indéfiniment jusqu'à ce que vous lui parliez. C'est pas vrai. En fait, s'il appelle le procureur pour dire, oui, il me saoule, il veut pas me parler, et j'ai toujours rien contre lui, le procureur va dire, bah, il rentre à la maison, voilà. Donc, ne les croyez pas, et surtout pensez bien aux films de gangsters et de police que vous avez vus, parce que c'est une fois qu'on se dit qu'on est dans un film, c'est vraiment plus facile de ne pas céder. Et vous allez moins vous ennuyer en plus. Pêle-mêle de droits rapides, les droits auxquels, oui, y a d'autres auxquels vous pouvez prétendre en garde à vue, faire prévenir votre employeur, faire prévenir quelqu'un. Depuis très récemment, vous avez aussi le droit de voir quelqu'un. Soit d'avoir un appel téléphonique avec une personne, ou que la personne se déplace dans les locaux de police. C'est pas un droit qu'on vous notifie formellement de façon très explicite, en mode vas-y, appelle ton pote, tu pourras le voir pendant une demi-heure. Mais ça existe et il faut le savoir. Évidemment, l'entretien se fait en présence policière, mais avec 24 heures difficiles à tenir, ça peut être bien d'avoir 30 minutes de pause à un moment. Droit à un médecin, droit à un avocat. Et je crois que c'est déjà pas mal. Interprète, évidemment. C'est des petits détails, mais celui qui porte des lunettes, par exemple, a le droit d'avoir ses lunettes pendant l'audition. Si vous avez un traitement médical, par exemple, un traitement, ça peut être aussi médicaments pour l'angoisse. Les anxiolytiques. Voilà, vous pouvez les réclamer, en fait. Moi, à la limite, je vous conseille, réclamez-les. Après, vous voyez si vous les prenez ou pas, mais c'est quand même une situation où, même si on n'est pas très stressé, on est enfermé dans un placard, quoi. Donc, au bout d'un moment, on tourne un peu en rond, on s'énerve, et c'est là que les angoisses, elles peuvent apparaître. J'ai envie de dire, même si vous n'avez aucun problème médical, et même si vous avez l'impression que vous allez bien, vous pouvez faire appel au médecin. En fait, vous avez du temps à perdre, ça va vous faire passer un peu de temps. Et puis, peut-être que, je ne sais pas, l'arrestation, elle était un peu violente, ou peut-être qu'il y a des choses à constater. Le médecin, il est là pour que si un jour il y a besoin de se resservir de ça, ce sera notifié quelque part. Et je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler après, mais non, apparemment pas. Y a un peu des cas particuliers de la garde à vue qu'on peut peut-être aborder, c'est-à-dire tout ce qui ressemble à une garde à vue, mais qu'il n'y en ait pas vraiment une. Et là, il faut aussi avoir une ligne de conduite en tête, quoi. Enfin, je pense par exemple au contrôle d'identité ou à la position libre. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je peux surtout. La chose qui me semble la plus intéressante, c'est quand même l'audition libre. Enfin, même si le contrôle d'identité, c'est intéressant aussi, mais c'est une situation qui se présente un petit peu moins dans des cas fréquents, des cas plus généraux. L'audition libre, c'est quand vous recevez une convocation chez vous, même un policier vous appelle en disant que vous êtes visé par une enquête et que vous devez vous présenter au commissariat pour venir témoigner. Ça, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation à ce que vous restiez dans les locaux. La garde à vue, c'est une mesure privative de liberté. L'audition libre, absolument pas. Donc vous êtes en plein milieu de l'audition, ça se passe mal, vous pouvez quitter la pièce à n'importe quel moment. Et il faut bien avoir conscience de ça, du fait que vous n'avez aucune obligation de rester. Évidemment, si vous décidez de partir, la mesure peut se transformer miraculeusement en garde à vue, mais ça s'appelle un détournement de procédure et il y a des choses intéressantes à faire ensuite. Nous, on connaît quelqu'un qui était deux personnes qui étaient en audition libre et qui ont à un moment se sont rappelées de ce droit et qui ont dit très bien, on s'en va. Et les policiers n'ont pas eu d'autre choix que de les laisser partir et il n'y a eu aucune suite, aucune poursuite. Et parfois aussi, vous recevez une convocation chez vous et vous décidez de pas y aller tout court. Et on s'est rendu compte à la Legal Team que la plupart du temps, rien ne se passe ensuite. Et donc, en fait, vous échappez totalement à la procédure parce que finalement, à moins qu'on vienne vous chercher chez vous, vous pouvez très bien ne pas y aller. Dans 99% des cas observés, c'est ce qui s'est passé. Je pensais que tu allais dire cette phrase, mais je m'en charge. Je peux même rajouter qu'on n'a jamais eu aucun cas de convocation non présentée, enfin, où personne ne sont pas rendues, qui ont des soucis après. Non, mais on a déjà eu un cas de convocation où la personne ne s'est pas rendue et après, il y a eu des appels téléphoniques plusieurs par jour, et la personne a fini par s'y rendre. Et là, on ne sait pas si finalement il serait venu la chercher ou pas, mais c'est la seule fois d'ailleurs où la convocation papier s'est transformée en autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est si vous recevez une convocation, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 07 68 84 84 92. Et puisque vous avez le droit d'appeler quelqu'un à un moment pour prévenir votre garde à vue, si vous n'avez pas d'idée, eh ben, prévenez-nous, prévenez ce numéro-là, et à ce moment-là, vous pourrez aussi nous dire les proches que vous voulez qu'on contacte. Est-ce qu'on enchaîne avec la prochaine thématique ? Ah oui, avec plaisir. Alors, on enchaîne avec des choses sur l'ADN. Pauline Powell tire à balles réelles. J'ai plus confiance en moi-même. Bouca par mon ADN. Dans la dégaine, moi je suis inclassable. Je leur enverrai des crachats. Puisqu'ils veulent mon ADN, on a des rêves. Je sors de chez moi, ADN photo empreinte. C'est nous la vermine, c'est nous dans le PAV. On a perdu. On sait très bien que derrière ça pète la vie. Et je vois qu'il y en a qui s'entraînent déjà pour le blind test de tout à l'heure. Alors, l'ADN, les empreintes et l'ADN sont des choses qu'on va sans doute quasiment à tous les coups vous demander pendant la garde à vue. Est-ce que c'est obligatoire de donner ses empreintes et son ADN aux policiers pendant la garde à vue ? Alors, pardon, j'ai fait un bruit fort désagréable. Ce n'est pas obligatoire dans la mesure où on va vous demander votre consentement pour prendre vos empreintes et pour prendre votre ADN. On ne va pas le prendre de force, sauf cas extrême. Donc une garde à vue classique, on va venir vous chercher, on va vous demander de vous soumettre au prélèvement ADN. Vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de dire non. Dans ces cas-là, ça constitue une infraction pénale. De refuser de donner ses empreintes, de refuser de donner son ADN, à la nuance près qu'on a normalement le droit de vous le demander que s'il y a des indices graves ou concordants à votre encontre. Donc finalement, si votre dossier était tout faible au départ et qu'il n'y avait pas de vrais indices contre vous et que votre garde à vue était juste pour vous faire avouer et que vous n'avouez pas lors de votre garde à vue, en tout cas, à mon sens, ça constitue, il n'y a absolument pas d'indice grave ou concordant à votre encontre et les policiers ne sont pas fondés à vous demander votre ADN. Toujours est-il que les instructions qu'ils ont, c'est de demander de l'ADN à chaque fois qu'ils sont... parce qu'il y a une liste d'infractions pour lesquelles le policier peut vous demander de l'ADN. Il vous le demandera dans tous les cas. Donc il faut savoir que donner son ADN, c'est une infraction, mais il n'empêche que ça permet aussi... Non, ne pas le donner. Ne pas le noter, pardon. Donner son... Une infraction morale. C'est une infraction morale. Chacun se positionne comme il le souhaite. Je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais le problème étant qu'une fois que vous l'avez donné, il est fiché pour toujours, il est là. Et en plus, j'ai l'impression que ça concerne aussi d'autres personnes de votre famille, si je ne m'abuse. Donc si vous pouviez éviter de le donner, ça vaut le coup de tenter juste cette petite infraction-là qui peut être vite démontée par votre avocat, surtout si rien n'a été retenu contre vous à côté. Ouais, moi, je ne suis pas généticien, mais quand on prend... quand on prend votre ADN, quand vous décidez de donner votre ADN, la police enregistre différents marqueurs qui sont sur votre ADN. Je ne sais plus combien en année, 9 ou 16, peu importe. Et plus la science avance et les techniques autour du génome avancent, plus on est capable d'avoir des informations grâce à ces petits marqueurs sur l'ADN. Et donc maintenant, il est clair et net, quand vous donnez votre ADN, vous donnez l'ADN de vos filiations. Vous donnez l'ADN de vos parents, vous donnez l'ADN de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos frères et sœurs. Et c'est le cas depuis peut-être 5 ou 10 ans maintenant. Il y a énormément de ce qu'on appelle dans les films hollywoodiens dont tu parlais tout à l'heure, les cold cases, les affaires qui ont 30 ou 40 ans, qui sont réouvertes parce que les ADN qui étaient prélevés, ou qui ont pu être prélevés plus récemment sur des pièces à conviction de l'époque, sont comparés avec le fichier et on arrive à dire, ah voilà, cet ADN correspond à telle personne, plus ou moins, un pourcentage qui ne dit pas que c'est la personne, mais voilà, on s'aperçoit que c'est le tonton de un tel ou de le petit-fils de un tel, et ça oriente l'enquête, et il y a des gens qui finissent en prison pour ça. Donc voilà, si vous donnez votre ADN, en plus du fait que vous, si vous avez une activité politique conséquente, vous ne pourrez plus jamais rien faire. C'est un choix quand même à prendre en compte. Même si, au-delà de ça, donner votre ADN, ça veut dire donner l'ADN de toute votre lignée et votre filiation. Oui, donc pour conclure sur ce sujet-là, en fait, oui, il y a des risques à ne pas donner son ADN, mais les risques à donner son ADN sont tellement élevés que, en tout cas, au nom de la Legal Team de Rouen, on vous conseille de ne jamais le donner. Prochaine thématique ? Allons-y. La prochaine thématique, ça va parler des procureurs. J'ai été condamné pour outrage, putain le procureur m'a allumé. 40 heures de tige, j'ai fermé ma gueule et j'ai assumé. Mais j'ai crié mon innocence, demandé de la reconnaissance. Rien à faire, le juge n'a pas voulu faire preuve de bon sens. Cause en connaissance. J'ai dû traverser toutes ces putains d'épreuves. Qu'il neige, pleuve, j'ai les bras tendus comme une pieuvre. Tu veux goûter la vie, j'avais le traiteur. Un procureur qui sourit, c'est une daronne qui pleure. On a le cœur rempli parce que nos frigos sont trop vides. Si un jour je m'égare, c'est que le chétan est mon guide. Je te conseille mon frère, c'est que je connais tes erreurs. Je vais pas t'inventer de vie, je ne suis pas un procureur. Drôle de thème, hein, mais c'est pas grave si on n'est pas long. Dans une affaire au tribunal, la personne qui va parler contre vous le plus, c'est le procureur. C'est quoi un procureur et c'est quoi son rôle ? Alors, le procureur est un juge. Il est allé dans la même école que le juge qui préside votre audience et qui vous condamnera à la fin. C'est même probable qu'il ait déjeuné avec lui le midi juste avant votre audience. Et le procureur, c'est lui qui, en tout cas dans la fiction qu'on s'en fait, représente la société. C'est pas comme aux États-Unis, c'est pas une personne qui porte plainte contre une autre et qui accuse l'autre au tribunal. C'est pas la victime contre l'auteur, c'est le procureur contre vous quand vous êtes au tribunal. C'est lui qui décide de vous amener au tribunal. C'est lui qui décide que vous êtes là aujourd'hui. C'est lui qui décide qu'on vous reproche cette infraction en particulier. Et c'est lui qui demande une peine à votre encontre. Donc finalement, il y aura deux juges à votre audience. Il y aura le procureur qui sera positionné plutôt sur la gauche de la salle, qui normalement est à armes égales avec vous, normalement. Et il y aura le juge qui prendra la décision et qui vous condamnera ou pas si vous parvenez à prouver votre innocence. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui, plutôt. C'est quoi les autres personnages du tribunal ? À l'audience correctionnelle, il y a le procureur, les juges, le greffier, l'huissier. Ah, autre chose assez intéressante sur le procureur aussi. Le procureur, il intervient à l'audience. Il intervient aussi au stade de l'enquête. C'est le procureur, le chef de la police, c'est le procureur qui dirige l'enquête. Donc finalement, après chaque audition, le policier finit de taper, clac, clac, clac, et il appelle le procureur et il lui dit « Attention, voilà, il s'est passé ça, lors de l'audition, il m'a dit ça. » Et c'est le procureur qui décide si votre garde à vue se poursuit. Donc si elle se poursuit encore de 24 heures, vous allez voir le procureur, parfois en visioconférence, c'est lui qui prolonge votre privation de liberté et c'est lui qui va décider des actes d'enquête supplémentaires qui sont faits. Donc il y a vraiment le procureur, c'est vraiment la personne qui vous poursuit. Et le jour du procès, c'est le procureur qui prononce à la fin de son discours à lui la charge qu'il retient contre vous et qu'il demande au juge de prononcer. Exactement, c'est lui qui choisit, qui demande au tribunal de vous condamner, qui qualifie l'infraction et qui demande une peine. Je crois qu'on a fait le tour, on enchaîne. Et on enchaîne avec la question épineuse de la comparution immédiate. Maître Arneton, j'écoute. Justice, c'est les rats, comparution immédiate. Je suis au dépôt, manque de peau, y'a que des rats, mais pas de chat. Sortir, j'en ai hâte, je dois poser quelques pépites. Nouveaux amis, j'en ai hâte, plus de place comme à mon zénith. Justice, c'est les rats, comparution immédiate. Je suis au dépôt, manque de peau, y'a que des rats, mais pas de chat. Sortir, j'en ai hâte, je dois poser quelques pépites. Nouveaux amis, j'en ai hâte, plus de place comme à mon zénith. Combien de si tu as, j'ai pas sauté mes cours de maths. En deux cartes, si tu peux finir par une balle dans le thorax. J'ai pas voulu donner de place. Aujourd'hui, je me fais juger en comparaison immédiate. J'ai pas pris des coupables. Non, j'ai pas pris des coupables. Ouais, je suis tellement de spé qui m'invente même des histoires de Karachika. Comparution immédiate, j'ai été engrainé par le diable. Si. Mon rêve c'était d'être footballeur, mais j'ai fini ma chance. Alors, Maître Chalot, c'est quoi exactement une comparution immédiate? Alors, la comparution immédiate, c'est un mode de poursuite. Finalement, quand vous sortez de garde à vue, il y a trois possibilités. Vous sortez de garde à vue, votre garde à vue est levée. Voilà, l'enquête se poursuit ou l'enquête est terminée, mais vous sortez sans rien, vous pouvez aller tranquillement chez vous. Tranquille. Parfois pas tranquille. Attention, quand vous sortez de garde à vue et que vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé, l'enquête peut se poursuivre, vous pouvez par exemple continuer à être sur écoute, ce genre de choses. Donc, moyen tranquille. Mais en tout cas, tranquille, je rentre à la maison. Autre possibilité, vous sortez de garde à vue avec une convocation. Encore moyen tranquille. Vous rentrez chez vous, mais vous avez une convocation à une prochaine audience, et là, c'est sûr, vous allez être jugé. Troisième possibilité, et dernière possibilité, votre garde à vue est levée, mais vous ne retrouvez pas tout de suite la liberté. Vous êtes présenté au tribunal, ce qu'on appelle déféré. Et là, il y a deux possibilités. Soit c'est un délit ou un crime assez important, et il y a un juge d'instruction qui est mandaté, et il y a une enquête encore plus lourde qui s'ouvre. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en détention provisoire et c'est vraiment la merde. Ou vous êtes déféré pour passer en comparution immédiate. C'est-à-dire que le dossier est jugé par le tribunal, enfin par le procureur, comme suffisamment étayé. Et le procureur décide que vous passiez au tribunal dans l'après-midi ou le lendemain. Si c'est le lendemain, si c'est le surlendemain, vous pouvez passer une à deux nuits en détention dans l'attente de votre audience. Et donc, après 24 heures, 48 heures de garde à vue, vous êtes évidemment tout sale, tout fatigué, tout moche, tout puant. Vous vous présentez au tribunal, sans aucune offense pour les odeurs corporelles, hein, c'est assez statistique. Vous êtes présenté immédiatement, vous arrivez dans le box avec des policiers autour de vous et là, bam, tout de suite, c'est votre audience. Et le juge vous demande si vous acceptez ou non d'être jugé aujourd'hui et vous avez le droit de refuser. C'est même souvent un conseil qu'on donne parce que les personnes sont en général complètement exténuées en sortant de garde à vue, qu'elles n'ont pas forcément les idées claires et je ne vois pas qui pourrait avoir les idées claires après 48 heures dans de telles conditions. Que préparer sa défense, c'est absolument indispensable et qu'avoir le temps de lire son dossier, avoir le temps de voir son avocat, avoir le temps aussi d'avoir l'avocat qu'on souhaite, parce que quand la comparution immédiate, ça se décide en quelques heures et souvent l'avocat qu'on aimerait avoir n'est pas disponible. Donc on a une personne commise d'office qui est là au tribunal. Et ça vaut le coup de prendre le temps de lire son dossier, de bien faire le point avec son avocat, de décider des axes de défense, de décider aussi de pouvoir communiquer au tribunal un peu des garanties de représentation sur qui vous êtes, donner un petit peu de preuves. La comparution immédiate, c'est une audience rapide, très expéditive à la sortie de la garde à vue. Et pour les droits de la défense, c'est évidemment pas souhaitable. Il y a des cas particuliers, mais en général, notre conseil, nous, notre positionnement par rapport à ça, moi, mon positionnement en tant qu'avocat, c'est que juger des gens en comparution immédiate, ça ne peut jamais être une bonne solution. Et en plus, vous avez toujours l'air un peu plus coupable quand vous arrivez déjà au bras des policiers. À ce sujet, pardon, je te coupe, mais j'ai un ami qui s'est retrouvé dans cette situation et je voulais faire part d'un petit tuto qu'il a mis en place, tuto tribunal. Alors évidemment, c'est pas, c'est pas une bonne chose de se retrouver en comparution immédiate, mais il a eu le temps de planifier ses possibilités pour mettre toutes les chances de son côté. Son calcul a été le suivant: il faut absolument que je puisse me laver le visage, laver les mains avant d'être présenté au juge. Et donc il s'est retenu de chier en garde à vue pour avoir envie de chier au tribunal pour demander à aller aux toilettes, et là-bas il s'est nettoyé un petit peu, et en tout cas ça lui a porté chance pour la suite. Donc il avait planifié son apparence pour le procès, et je pense qu'il s'en félicite encore. Et pendant, lorsqu'on refuse la comparution immédiate, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut quand même être obligé de passer en comparution immédiate ? Non. La comparution immédiate, c'est un mode dérogatoire de poursuite, et si vous le refusez, il n'y a aucune raison que vous soyez jugé ce jour-là. Néanmoins, le risque, c'est que vous soyez placé en détention provisoire dans l'attente de votre audience. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, dès le départ de sa garde à vue, faire prévenir un proche de sa privation de liberté, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si vous êtes présenté en comparution immédiate le lendemain, et bah c'est bien que votre ami ou votre mère ou votre femme ou n'importe qui ait été au courant et ait pu présenter des documents pour vous, pour justifier du fait que vous bossez, que vous avez une adresse, que vous avez des enfants, tout le type de document qui peut vous aider à ne pas aller en détention. Et donc les conseils, si vous apprenez qu'un de vos proches est en garde à vue, c'est de commencer immédiatement à réunir tous les papiers, qu'ils soient des contrats de travail, ne serait-ce que le bail de votre habitation, n'importe quoi qui montre que la personne est bien intégrée à la société, en fait, même si c'est fait qu'elle participe à une association culturelle de temps en temps. Tout ce que vous pouvez trouver, vous le préparez, vous avez tous les scans sur vous et vous êtes prêt à les donner à l'avocat dès qu'il est disponible. Et s'il n'y a pas de comparution immédiate, c'est pas grave, ça sera déjà de l'avance pour le procès, et ça sera quelque chose que vous aurez déjà préparé, et ça sera une amorce de défense collective, ça sera déjà ça. J'aurais bien fait un... Non, on est un peu speed. Ok, bon bah tant pis, je ferai un point horreur plus tard et je vous parlerai du projet de loi justice et de la nouvelle procédure qu'ils ont préparée plus tard. Et en parlant de justice... Non, c'est même pas justice qu'on est là, c'est face là, je m'en vis. On part direct en prison. Effleurer nos songes, la lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au pied du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière, un écho. Et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux? J'ai pas le temps. S'éteindre, seule une étincelle au fond de moi peut l'atteindre. Au bout, c'est ma zone et j'en ressens les limites. Des bruits comme libre me dictent ma ligne de conduite. Les dés sont jetés, rien n'est joué, même le sort retient son souffle, piégé dans un sablier. J'ai décidé de ne pas être prisonnier. Je n'ai que ma vie à offrir si jamais j'échouais. Pas le choix, faut y aller. Même si dans mon horizon les visages semblent trop résignés, je vole vers mon but sans bruit ni adieu. J'ai brisé mes peurs et pour ma paix, dis-leur que. Mon esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps pour l'oublier. Je veux le meilleur. On fait des plans pour s'en sortir. Écoute, ouais. À chaque choix, on parie contre le sort. Ouais. Et si les jeux sont faits, il n'y aura pas de remords. C'est la retournée, j'apprends à vivre, yeah. À être libre, rester lucide, yeah. Non, je n'ai rien à perdre. Fixe mes règles dans mon univers, et à chaque bouffée d'air, j'opère comme si c'était la dernière. Il n'y aura pas de rédemption à venir. La volonté, la clé de la réussite. Si je dois exister, c'est les tout donner, prendre ce que je veux. Si le monde m'appartient, restez pas au milieu. Et si le sort est contre moi, c'est tant pis. On fait des plans pour s'en sortir, écoute. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et ce soir sur Web Radio Crochet, on fait des plans pour s'en sortir avec la Legal Team de Rouen. Et on va passer à la petite partie ludique de l'émission. Breaking news. On a une info qui vient de Barentin. Je répète, info qui vient de Barentin. Les CRS chargent les gilets jaunes qui ont réussi à bloquer le centre commercial pendant tout le week-end. Et le message est assez inquiétant puisqu'on me dit qu'ils se font, les gilets jaunes se font lyncher carrément. Mais bravo aux gilets jaunes pour leur action de ce week-end. Et du coup, là tout de suite, si vous avez besoin, les gilets jaunes de Barentin, appelez la Legal Team 07 68 84 84 92. On va vous aider. Bon courage à vous pour résister en attendant. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à aller à Barentin massivement. Allez les aider. Et donc, juste avant cette info, parce que priorité au direct, hein. Je parlais d'un contenu ludique à cette émission. On a fait il y a quelques temps avec la Legal Team un petit jeu, un petit quiz qui s'intitulait « Le livret de vacances pour réviser en s'amusant » de la Legal Team de Rouen. Et le quiz, je vais le faire passer à Lily qui est là avec nous. Bonsoir Lily. Bonsoir. Lily. Et donc à la fin, je vous révélerai le résultat de Lily, mais aussi les autres résultats qui existent pour savoir quel type de gardé à vue vous êtes. Alors, c'est parti pour les questions. Première question, Lily. Au moment où tu te fais choper par la police. 1. Tu tends les bras pour te faire menotter. Cette expérience risque d'être aussi enrichissante que sympa à raconter et tu ne voudrais pas avoir des problèmes en te rebellant. 2. Tu alternes entre intimidation, genre « ma tante est avocate, vous allez avoir de gros problèmes », supplication « vous ne pouvez pas faire ça, on est en démocratie quand même ». 3. Tu fais un signe à quelqu'un que tu connais dans la foule pour être sûr qu'on sache que tu as été embarqué et tu analyses la situation calmement. Alors je vous préviens, souvent la réponse, on va la sentir, on va sentir ce qu'il faut donner. Mais tu peux te tromper, il n'y a pas de problème. Bah, j'ai envie de dire la 3, mais pour le fun, je vais dire la A. Ok, on est vraiment parti pour du gros fun ce soir. J'entoure la 1. Alors, deuxième question. Sur la route, dans le camion, après que quelques-uns t'aient insulté... Voilà, merci pour les bruitages. Hein. Un flic un peu plus sympa que les autres, on est sympathique celui-là. Bonjour, madame. S'assied à côté de toi. Numéro 1. Tu profites qu'il ait l'air d'être plus compréhensif que les autres pour défendre ton cas. Vous avez beaucoup de choses en commun. Et vous en arrivez même à discuter de votre passion commune pour Mylène Farmer. Numéro 2. Tu ne dis rien et tu profites, non sans une pointe de fierté, d'être dans une voiture qui roule vite et qui ne respecte pas du tout le code de la route, comme si tu étais un grand bandit. Numéro 3. Tu ne comptes pas te laisser avoir. Tu connais depuis longtemps la technique good cop, bad cop et tu préfères lui faire part de 2-3 réflexions philosophiques bien senties, telles que « mange tes morts, gros porc, tes parents, ils sont jumeaux ». Certains ont testé cette technique. Alors, je vais tenter la réponse 4. Je lui mets délicatement la main sur la cuisse pour essayer de le séduire. Je note. Réponse 4. Réponse 4. Balance ton... Question numéro 3. Tu arrives dans la gueule du loup et on te notifie tes droits. Les droits dont nous avons parlé tout à l'heure. Réponse numéro 1. Pas besoin d'avocat. T'as vu suffisamment d'épisodes de New York Unité Spéciale pour savoir te défendre toi-même. Et puis en plus, t'as déjà pas de thune pour un kebab. Numéro 2. Tu acceptes l'avocat commis d'office. Si tu prends l'avocat des militants, on risque de croire que t'es un peu l'un d'entre eux et ça va te desservir. Numéro 3. Tu prends l'avocat conseillé par tes camarades de manif. Il saura te conseiller et il paraît même qu'il prend les tickets resto. La numéro 3, toujours la meilleure. Si je me permets, tout à l'heure, on n'a pas vraiment précisé et peut-être que ça peut être litigieux, mais moi, je pense qu'il y a des mauvais avocats. Des avocats qui qui n'ont pas du tout l'expérience de terrain et qui vont vous dire des choses qui sont contraires à ce qu'on dit. Parce qu'ils ont été formés comme ça ou parce que ils n'ont jamais vraiment réfléchi à la question. Et du coup, on va voir la réponse que tu donnes, mais pour moi, c'est hyper important d'écouter ce qu'on dit nous à ce moment-là, de ce que dit l'avocat de la Legal Team, et de pas forcément se fier à ce qu'un avocat inconnu nous dira. Alors après, dans tous les cas, prenez quand même un avocat, parce que ça fera plus sérieux plutôt que de vous descendre tout seul, mais écoutez-nous d'avant tout. On mettra les noms des mauvais avocats sur la page Facebook après l'émission. L'émission de grosse balance, donc. Question numéro 4. On te met en cellule et il faut bien faire passer le temps. Réponse numéro 1. Une fois que tu as épuisé ton stock de chansons paillardes, tu fais connaissance avec tes camarades de cellule et vous comparez vos casiers judiciaires respectifs. Numéro 2. Tu décides de faire une cure de sommeil pour que le temps passe vite. Et évidemment, tu repenses aux enseignements de Michel Foucault dans Surveiller et punir. Sous le nom de crime et de délit, on juge bien toujours des objets juridiques définis par le code, mais on juge en même temps des passions, des instincts, des anomalies, des infirmités, des inadaptations, des effets de milieu, d'hérédité. Numéro 3. Tu clames ton innocence et tu fais la causette à tes geôliers. Cela reste des humains avant tout, et leur métier n'a pas l'air facile. D'ailleurs, la bouffe n'est pas si mauvaise. Tu hésites à mettre une bonne note sur TripAdvisor. Ouais, je dis Michel Foucault, toujours dans nos cœurs. Salut, Mich Mich. Il est chauve, en plus. Oui. Ok. Question 5. Tu passes en audition. 1. Tu réponds aux questions dans les détails. Après tout, tu n'as rien à te reprocher et tu n'es pas un terroriste quand même. Numéro 2. Tu les embrouilles. Tu leur mens en suivant le plan que tu as bien élaboré pendant les heures que tu avais à perdre dans les geôles. Tu te sens comme Tyrion Lannister durant son procès, avec quelques centimètres de plus. Numéro 3. Tu déclares à chaque question que tu exerces ton droit au silence, sur conseil de ton avocat. Je n'ai jamais rien à déclarer. Oh là là, on a quoi écouter l'émission. Question numéro 6. On te demande de donner ton ADN. Le refuser entraîne des poursuites. 1. Tu collabores sur conseil des policiers qui t'ont dit que tu sortirais plus vite et que tu aurais l'air moins louche aux yeux du procureur. En plus, tu n'as rien à te reprocher, donc tu peux bien filer un peu de salive. 2. Tu refuses, convaincu de la dangerosité des fichiers de police. D'ailleurs, tu n'as pas envie d'impliquer ta famille sur plusieurs générations en donnant ton ADN. 3. Tu refuses, on t'explique les types d'amendes auxquelles tu t'exposes, puis, étonnamment, les policiers, qui sont très soucieux de ton hydratation, t'apportent régulièrement des verres d'eau. En te rafraîchissant, tu te demandes si un jour tu pourras te cloner pour éviter d'aller au taf. Bah alors du coup la numéro 2, tu la refuses. Numéro 7, les policiers te proposent la comparution immédiate devant un juge. 1, tu refuses net, tu demandes un délai pour pouvoir discuter et préparer ta défense avec ton avocat. 2, tu acceptes volontiers, tu as joué, tu as perdu. Et contrairement à ceux qui mettent des masques en manifestation, tu es prêt à assumer tes actes et en payer le prix. Numéro 3. Tu acceptes à contre-cœur. Cela te permettra d'éviter d'aller en prison et tu pourras peut-être sortir à temps pour voir la rediff de Buffy contre les vampires ce soir. Une fois, un pote t'a dit que les juges étaient plus cléments envers ceux qui acceptent la comparution immédiate. Alors je me souviens plus la numéro 1, mais étant donné de la 2 et la 3, je crois que c'est la 1. Je note. Il n'y aura pas d'indice hein, sur le résultat, essaye pas de me soudoyer. Question numéro 8. Pour toi, la sortie de garde à vue idéale, c'est une soirée avec ta meuf ou ton mec qui t'attend à la sortie avec un domac ou un falafel vegan en fonction de ton obédience alimentaire. Une virée en solitaire sur les quais de Seine pendant laquelle tu relativises cette expérience qui t'a permis de méditer et d'en savoir un peu plus sur toi et sur le monde qui t'entoure. Ou numéro 3, un débrief express avec la Legal Team et les camarades en soutien qui ont fait le pied de grue devant le Comico. Eux aussi peuvent te ramener des frites et en buvant un bon coup en ville. Ils peuvent attendre très très longtemps, j'ai l'impression, de mon expérience parfois. Et du coup, la numéro 3, mais forcément avec une bière. Une bootlegger ? Toujours. Bootlegger. Every time. Everywhere. Question numéro 9, c'est l'avant-dernière. Pour toi, la chanson qui représente le mieux la garde à vue, est-ce que c'est I'm a Survivor, de Destiny's Child ? Est-ce que c'est « J'ai embrassé un flic » de Renaud ou est-ce que c'est « Comportement » d'Aya Nakamura? Alors, je ne connais pas « Comportement » parce que je ne suis pas trop de ma génération. Mince alors. Mais du coup, je vais la dire pour qu'on la passe. Yes. Hop, « Comportement », bah ouais, c'est noté. Et enfin, question 10, en attendant le procès, Est-ce que 1, tu laisses ton commis d'office s'en occuper, tu as hâte que tout ça soit derrière toi et tu ne voudrais pas que ton histoire ait des répercussions sur ta vie et tes choix à venir ? 2, tu rejoins la legal team de ta ville afin que ta défense soit préparée collectivement ? Ou 3, ta famille fait bloc autour de toi, elles ont toujours été là pour te soutenir, même quand tu passais ta ceinture orange-jaune au judo. Ils sont d'ailleurs tout à fait disposés à payer l'avocat le plus cher de la ville si ça peut laver leur honneur. Alors du coup, je vais dire la 2, parce que je n'ai pas choisi le commis d'office. Donc... Ok, c'est noté pour la 2, et je vais te faire patienter un petit peu pour tes résultats. Peut-être qu'on va mettre d'abord un peu de musique. C'est parti, je suis aux anges. Ça va gérer dans les carrés VIP. Qui voudra me gérer? Qui sera la plus fraîche? Tu verras les plus belles fesses. Ouais, collé, ambiancé. Ce soir, ça va gérer. On me guette de haut en bas. J'n'ai pas le temps d'avoir le temps. J'étais, je tout égare. S'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, j'suis dans mon comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, les mecs ont bombé le torse ah ouais, j'ai dit comportement bah ouais, les poches remplies d'oseille ah ouais, j'ai dit comportement bah ouais. Il est minuit, tu titubes, tu tiens pas comme d'habitude, tu connais connais ma vie, mes mimiques et mes manies, mais pourquoi te fâcher, pourquoi trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher? La malade t'a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, stop, stop, j'ai dit. Tous ceux qu'on auront ramé, à la fin ont gagné. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. J'suis dans mon comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les mecs ont bombé le torse ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les poches remplies d'oseille ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Oh là là là. J'ai trop roulé, j'peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. J'suis un compo, compo, comportement. J'suis un compo, compo, comportement. Comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. J'suis dans mon comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les mecs ont bombé le torse ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les poches remplies d'oseille ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. J'suis un compo, compo. Oh là là là là, on est trop dans notre comportement. Ouh, ici au Diable Fort. 24 heures Radio Crochet. On est trop en comport. C'est un truc de fou. Ça s'est bien enjaillé sur cette chanson. On a changé tout le programme musical pour la passer parce que c'est notre préférée. Je vais maintenant donner les résultats. Les résultats du quiz « Quel gardé à vue êtes-vous ?» que j'ai fait passer à Lily. Et je vais d'abord donner les résultats qui ne correspondent pas à son profil. Nous avons le profil collaboratif. Je le décris. Loin de moi l'idée de te juger, mais tu manques peut-être un peu d'expérience ou alors tu es sacrément naïf. Dans la majorité des cas, les déclarations faites par des personnes en garde à vue jouent en leur défaveur. Sans avoir consulté le dossier en amont, impossible de savoir si des preuves sont détenues contre toi. Rappelons-le, c'est à la police de prouver ta culpabilité et pas à toi de prouver ton innocence. Ce que n'est pas Lily non plus. Le petit malin. C'est sûr que ces longues heures seront une sacrée aventure à raconter aux potes, mais il vaut mieux faire profil bas que de s'embourber dans des mensonges qui ne tiennent pas debout. D'ailleurs, certaines questions des policiers peuvent sembler anodines, mais visent en réalité à remplir un fichier de renseignement, et tu risques, en étant trop bavard, d'impliquer d'autres personnes sans le vouloir initialement. Et donc toi, Lily, tu as une majorité de ronds rouges, et le rond rouge, on a appelé ça le bon camarade. Car c'est un bon camarade. Alors le bon camarade, qu'est-ce que c'est ? Chaque mouvement fait apparaître une manière singulière de s'organiser et de tenir quelque chose ensemble pour de bon. C'est en somme une attention à la situation et à ce qui nous lie les uns aux autres, qu'il s'agisse d'un blocage, d'une occupation, d'une manifestation, etc. C'est parce que cette manière de faire constitue une entorse un peu trop évidente à la solitude à laquelle le pouvoir voudrait nous reléguer, que celui-ci s'attaque à ceux qui luttent, à l'aide de ses policiers et de ses juges. Bouger ensemble pendant une manifestation implique aussi de penser ensemble que faire en cas d'arrestation. C'est la leçon de n'importe quel film de guerre américain. On n'abandonne pas un camarade quand il est dans la merde. C'est la raison d'être de ce collectif, un outil contre la répression policière et judiciaire. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous, Lily. On va rappeler une dernière fois le numéro de la Legal Team. J'espère que vous avez bien retenu. Mon collègue a une dernière chose à vous dire. Non, le numéro que je connais par cœur. Ah oui. Le 07. C'est facile, 07, c'est un téléphone récent. 68, c'est facile de se rappeler du 68. 84, tout le monde est né plus ou moins à 10 ans près. La Terre entière. Mais oui. Tout à fait, je ne sais pas si on t'entend, mais... On l'entend au loin. Et 92. Mais certaines personnes sont nées aussi en 92, hein, mais... Voilà, 07, 68, 84, 84, 92. Un petit mot ? Non, pas de petit mot. Ça me fait penser à quelque chose. Ah. En garde à vue, si vous êtes, par exemple, arrêté loin de chez vous, dans une autre ville, peut-être qu'à un moment, vous allez vouloir contacter quelqu'un que vous... pour le prévenir, que vous connaissez. Vous n'aurez pas votre téléphone avec vous. Donc, si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone par cœur, vous ne pourrez pas appeler la personne. Donc, pensez à mémoriser 2-3 téléphones. Ouais, essayez de connaître au moins un numéro par cœur. Moi, c'est David, par exemple. Je connais son numéro par cœur. Très bien. C'est bon, c'est tout. C'est tout. Et la Legal Team vous fait des gros bisous. Et bah, merci à la Legal Team. Vous pouvez vous applaudir. C'est bon. On finit avec Freedom de Django Unchained. Et juste c'est après, la libération. C'est le blind test.